Quelque chose en elle m'inspire la méfiance. Elle flotte autour de moi comme une effluve, une essence. Entraînée par mes cinq sens, elle et moi, elle ou moi, je m'avance. Laisse-toi aller, tu auras la réponse. Elle s'appelle Alice. Naïve. Elle s'appelle Alice. Elle s'appelle Alice.